Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Le crash du Tupolev 154 qui a eu lieu le 10 avril 2010 est une histoire absolument incroyable, une histoire qu'aucun scénariste n'aurait osé écrire. Pratiquement tout le gouvernement d'un pays, en l'occurrence la Pologne, disparaît dans le crash d'un avion. Une tragédie qui mérite d'être expliquée puisque les pilotes de l'appareil étaient d'excellents pilotes, des pilotes militaires choisis, on imagine, parce que c'était de grands professionnels. Mais Super Fail, dans le Super Fail, ce crash de l'avion présidentiel polonais est une histoire qui alimente aujourd'hui la complosphère polonaise et c'est cette histoire inouïe qu'on va vous raconter aujourd'hui. Oui, c'est vrai que cette émotion est palpable un peu partout. Hein. Le recueillement s'organise dans plusieurs points de la ville. Actuellement, une messe a lieu à la cathédrale de Varsovie. Ils sont quelques 10 000 personnes dans le bâtiment, mais aussi tout autour. Et ici, devant la présidence de la République, nous nous sommes positionnés. Eh bien, il y a encore 5 000 personnes qui sont là, dans un silence très impressionnant. Ils sont venus avec des bougies colorées, avec des bouquets de fleurs. Et bien sûr, lorsqu'on les interroge, ils pleurent leur président. Mais surtout, ils se posent des questions. Ce président était allé commémorer le massacre de Katyn, une date noire dans l'histoire de la Pologne. Comment se fait-il qu'on puisse vivre une tragédie pareille encore aujourd'hui? On peut voir notamment sur certains drapeaux qu'il y a deux dates d'inscrites, 1940 et 2010. Un sondage publié le mois dernier indique néanmoins qu'un Polonais sur trois n'exclut pas qu'un attentat fomenté par le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président russe Vladimir Poutine soit à l'origine du crash. Une théorie soutenue par le parti conservateur polonais Droit et Justice, emmené par Jarosław Kaczyński, le frère jumeau du président défunt. Nous n'avons pas affaire à un accident, mais à l'intervention de tierces personnes. L'avion s'est désintégré suite à une explosion durant le vol. Bertrand Villemer, ancien pilote et aujourd'hui expert en quête accident du cabinet Icar, nous explique les causes de ce drame. Alors, cet accident a eu lieu lors d'une approche finale sur une base aérienne militaire russe avec un appareil militaire polonais guidé par un contrôleur aérien russe qui était sur la base de Smolensk. Donc, ce qui est important de voir, c'est que dans cet accident, l'ensemble des acteurs sont des acteurs militaires. Or, sur les bases militaires, il n'y avait pas à l'époque, et sur certaines bases, il n'y a toujours pas d'ailleurs, de moyens de percée autonome qu'on trouve sur les aérodromes civils. Qu'est-ce que c'est que moyen de percer autonome? C'est un moyen de percer avec de la goniométrie sur les deux axes, sans rentrer dans le détail, où le pilote, en alignant deux aiguilles, est sûr d'arriver sur l'entrée de bande. Les militaires, eux, ne disposent pas de cette technologie. Ils utilisent des procédures d'atterrissage spécifiques. Ils ont un moyen qu'on appelle le GCA, le Ground Control Approach. C'est un moyen qui existe encore, d'ailleurs, sur les bases militaires françaises, qui est en complément des moyens automatiques. Alors, Ground Control Approach, c'est quoi? C'est le contrôleur au sol qui a le plot radar de l'avion sur son scope radar et qui guide l'avion en disant « prenez plus à droite » ou « prenez plus à gauche » ou « arrêtez de descendre » ou « descendez plus vite ». Puisque le contrôle aérien doit guider l'appareil sur son plan de descente jusqu'à la hauteur minimum de vol où, à cette hauteur-là, le pilote doit avoir la piste pour se poser. Ça, c'est les moyens classiques de poser des militaires. Et cette procédure d'atterrissage spécifique au vol militaire explique en partie les raisons du crash de cet avion présidentiel. Le commandant de bord, lui, il suit aveuglément, c'est le cas de le dire, les ordres du contrôle aérien. Et lorsqu'il arrive à ce qu'on appelle la hauteur de décision, à partir de laquelle il faut qu'il voie le sol pour continuer, il décide de remettre les gaz. Les pressions qu'il peut y avoir sur un événement qui était un événement historique extrêmement important pour la Pologne, avec une centaine de passagers à bord, dont la quasi-totalité du gouvernement polonais, l'ensemble des chefs d'état-major d'armée, il y a une pression extrêmement importante pour que l'appareil se pose. Le pilote, lui, quand il se rend compte qu'il ne voit pas la piste, il naturellement remet les gaz. Il a fait un premier tour, il s'est représenté. Il a de nouveau pas vu la piste. Il a remis les gaz. Il a fait un troisième tour. Et là, sa tentation, c'est quoi? Sa tentation, c'est d'aller un petit peu plus bas que les hauteurs de décision. En disant, je vois pas la piste à 100 mètres, si je suis à 100 mètres d'altitude, peut-être que si je suis à 80 mètres d'altitude, ou 70 mètres d'altitude, je la verrai. Et auquel cas, j'assurerai la mission. C'est ça qui s'est passé. En descendant, malgré l'épais brouillard qui réduisait considérablement la visibilité, le pilote prend une décision fatale ce jour-là. Il a descendu trop bas, l'avion percute un arbre et se crache quelques minutes après. Des chants, des prières, des bougies. Pendant une grande partie de la nuit, la Pologne a pleuré son président Lech Kaczynski, mort hier dans un accident d'avion. Un accident qui a coûté la vie à 96 personnes au total, dont une grande partie de décideurs polonais. Aussi étonnant que cela puisse paraître, si le président et son gouvernement avaient pris un avion de ligne classique, si l'atterrissage avait eu lieu dans un aéroport normal, l'accident aurait probablement été évité. Et ce, d'autant que les pilotes, dans cette condition particulière, subissent de véritables pressions. Sur les vols commerciaux, il n'y a pas cette pression-là. Parce que sur les vols commerciaux, il y a des syndicats, il y a de la réglementation civile qui est extrêmement précise, et il n'y a pas de normes opérationnelles particulières. Et la personne qui est, si le président de la République est dans l'avion, ce n'est pas le patron de la compagnie. Or, le président de la République, c'est le chef d'état-major des armées. Et si l'équipage est militaire, c'est lui le chef des équipages, quelque part. Donc, sur la partie commerciale, il n'y a pas de pression. Il n'y a pas de pression, ils ont une réglementation, ils ont une procédure. Il y a les minima, ils se posent, il n'y a pas les minima, ils remettent les gaz, point. Le problème des appareils militaires, c'est que moi, je l'ai vécu, mais j'étais en responsabilité à l'époque avec des avions d'État. Et il y a eu des pressions, non pas du président lui-même, français, mais des gens qui l'accompagnaient, qui sont entrés dans le cockpit et qui ont donné des ordres aux commandants de bord. Mais nous, on briefait les commandants de bord et ils étaient briefés en disant qui que ce soit qui rentre dans le cockpit, les gens qui sont en charge de l'appareil de sécurité, c'est vous. Donc c'est vous qui décidez. C'est pas le président de la République, même s'il est chef des armées. C'est pas lui qui décide. Il n'est pas capable de décider. Vous décidez. C'est vous qui, c'est à vous et vous seul qui appartient à la décision et votre hiérarchie vous couvre. Les pilotes étaient probablement peu préparés à faire face à ce genre de pression et c'est ce qui les a conduits à prendre des décisions dangereuses. Mais selon Bertrand Villemer, pour connaître l'ensemble des facteurs qui ont causé cet accident dramatique, il faudrait avoir un accès complet aux éléments de l'enquête. Et aujourd'hui, ces éléments, eh bien, ils sont détenus par les autorités russes. L'OACI, c'est une agence de l'Organisation des Nations Unies, l'ONU, l'Organisation de l'Aviation Civile international, donc ça concerne que la réglementation civile. Or là, l'ensemble des acteurs est militaire. Lorsqu'il y a un accident avec des avions civils, l'OACI a un certain nombre de textes avec une annexe qu'on appelle l'annexe 13 qui détermine l'ensemble des acteurs qui ont à en connaître sur l'enquête. Ça commence par le pays de l'endroit où s'est écrasé l'appareil, la nationalité de la compagnie, la nationalité de l'opérateur, où il est enregistré, d'où étaient les passagers, etc. Or, là, c'est cette annexe 13 de l'OSCI qui a invoqué les Russes pour pouvoir avoir l'enquête, pour pouvoir avoir la main sur l'enquête. Ils ont dit, l'appareil s'est écrasé en Russie, donc l'annexe 13 de l'OSCI nous dit que nous avons la main sur l'enquête. Or, cet argument ne vaut pas, parce que l'ensemble des acteurs sont militaires. On évoque un certain nombre de scénarios, mais on n'a rien, on n'a pas un rapport d'enquête fiable. Tout ce que j'ai pu lire sur la commission d'enquête font état d'une seule source que sont les autorités russes. Or, s'ils voulaient absolument appliquer l'annexe 13 de l'OACI, et ils s'en sont référés, ils auraient dû mettre dans la commission d'enquête des Polonais, parce que l'appareil était polonais. La compagnie qui est propriétaire de l'appareil a à en connaître sur la commission d'enquête. Ça veut dire qu'elle doit participer. Or, c'est absolument pas ce qui s'est passé. En refusant de faire participer les autorités polonaises à la commission d'enquête, les Russes ont créé des suspicions sur les causes réelles de cet accident. Du côté polonais, on dit que le contrôleur au sol s'est trompé de cap, a donné des mauvaises indications. Parce que c'est le contrôleur au sol qui a la vie des équipages sur son micro. C'est lui qui, s'il dit prenez le cap 330 par la gauche alors qu'il faut prendre le cap 327 par la droite, c'est lui qui a la responsabilité de l'accident. Et si c'est le cas, l'enregistrement des voix le montrera tout de suite. et ces suspicions se sont transformées en théories du complot alimentées par les discours du parti conservateur Droit et Justice. C'est ce que nous explique Florent Parmentier. Il est professeur à Sciences Po, secrétaire général du CVPOF. Selon lui, le crash présidentiel a entraîné une triple instrumentalisation en Pologne. Ce drame, du coup, a lieu en Russie. Et c'est ce qui va nourrir et finalement servir d'élément d'instrumentalisation de la part d'une partie des autorités polonaises de ce drame et d'une partie en réalité de la classe politique polonaise. On peut voir ça comme l'illustration de l'importance des émotions en politique quand les victimes deviennent martyrs et quand il y a un narratif commun qui se fait par rapport à un accident qui effectivement est plutôt aujourd'hui reçu. Mais il faut savoir qu'un quart des Polonais pensent qu'en fait c'est un missile russe qui a battu cet avion. Trois instrumentalisations. L'instrumentalisation par rapport aux relations avec la Russie. On voit bien effectivement qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre finalement du ressort russophobique un peu classique qu'on peut trouver chez certains nationalistes polonais. Pas nécessairement le cas que chez les nationalistes polonais. Certains nationalistes polonais peuvent avoir des affinités avec la Russie sur différents plans, mais disons que ça va dans le sens de rendre plus difficile des relations avec la Russie et de ce point de vue-là, il y a une forme d'instrumentalisation. Il y a également une forme d'instrumentalisation, en tout cas d'effets politiques de ce crash, dès qu'il s'agit en fait de diviser la société polonaise, et y compris au sein de l'électorat du PiS, le parti Loi et Justice. Ce parti Loi et Justice, en fait, eh bien, il est composé à la fois de personnes dures et de modérées qui les suivent, et on a tendance là-dessus effectivement à finalement encourager les durs du mouvement et peut-être à éloigner les modérés. Et puis, il y a eu une troisième forme d'instrumentalisation dans le débat politique polonais, qui était tout simplement le fait d'utiliser ce drame contre Donald Tusk. Donald Tusk était à l'époque le premier ministre de la Pologne. Il n'avait pas pris le même avion et donc n'a pas connu le même sort tragique que les 96 personnes qui sont mortes dans l'accident. Mais en tout cas, Donald Tusk et la plateforme civique, donc son parti, ont fait l'objet d'un certain nombre d'accusations, de doutes, et avec une idée en fait qui était très simple, qui est de dire eh bien tout simplement que s'il n'a pas pris le même avion, c'est peut-être qu'il avait des relations spécifiques avec la Russie. Donc il y a l'idée de ce complot russo-polonais contre finalement le président et contre un certain nombre d'élites politiques polonaises. Les suspicions sont ainsi nées de la rétention d'informations des autorités russes et le parti conservateur aujourd'hui au pouvoir a habilement exploité cette méfiance. Il y a toute la question de la restitution des boîtes noires, ainsi que des débris de l'avion. On sent bien voilà, que de ce point de vue-là, il y a une forme de doute qui est lancée en se disant voilà, que si les boîtes noires n'ont pas été redonnées, c'est qu'il y a probablement des éléments qui n'ont pas à être communiqués. Il y a eu également des accusations de profanation à un moment, de savoir si l'idée selon lesquelles il y a un certain nombre de Russes qui aient participé à achever un certain nombre de passagers. Et donc l'idée de l'exécution des survivants, en quelque sorte, n'a pas de réelle de tangibilité. S'en est suivi un second temps qui correspond au retour du frère de Lech Kaczynski, non pas au pouvoir, mais en tout cas en tant qu'homme fort du PiS, donc Jaroslav. Et donc Jaroslav Kaczynski a su exploiter en quelque sorte ce sentiment, ce doute. Il a su l'exploiter à différentes fins, mais afin d'avoir un narratif commun, une manière de raconter cette histoire de la Pologne et en quelque sorte en faisant de Lech Kaczynski son frère un martyr. Donc il y a eu à la fois ce temps de retour du PiS au pouvoir, mais également, qui a beaucoup marqué l'opinion publique polonaise, de la guerre en Ukraine à partir de 2014, qui a rendu toute forme de rencontre bilatérale Russie-Pologne impossible, ou en tout cas pas souhaitée d'une part et d'autre des partenaires. Il ne faut jamais dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu parce que ce type d'assertion justifie tout et n'importe quoi. Néanmoins, si les Russes avaient laissé les Polonais enquêter, la sphère complotiste polonaise n'aurait pas pu se nourrir de la même façon avec ce drame. Superfell a été gâché à la production par Juliette Deveau, dévasté à la technique par Stéphane Poitvin et gâché à la réalisation par Vivien Demeyer et Massimo Bellini. Superfell.